Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, il est question de lignage. Mais attention, le mot a plusieurs sens. Au Moyen-Âge, le lignage désigne le droit de ramasser du bois dans la forêt du seigneur. Du bois qui est ensuite placé dans l'âtre de la cheminée, dans le foyer, pour se chauffer. Bien entendu, il y a une redevance à payer, c'est le droit de lignage, petite taxe féodale. Mais le lignage désigne aussi l'art de tracer une ligne sur un morceau de bois. Par exemple, cette ligne, tracée au cordeau, que l'on doit ensuite suivre pour réaliser une belle coupe, même si souvent la scie s'écarte un petit peu. Et puis le lignage désigne ceux et celles qui se reconnaissent du même ancêtre. Les parents, les grands-parents, les maris, les épouses, tout un tas de cousins et plus loin encore, oh quel beau lignage! Et dans tous les cas, il est question de bois. Les branches ramassées dans la forêt, le bois que l'on coupe et bien sûr le bois du plus imposant des arbres, par ses branches et par ses racines, celui de l'arbre généalogique. Oh oui, vraiment, quel beau lignage! Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à la famille. Oh là là, la famille que nous adorons ou que nous détestons, ou parfois un petit peu les deux. La famille, l'histoire de la famille et les histoires de famille avec aujourd'hui cette question. Mais qu'est-ce que le lignage et que vient faire la fée Mélusine dans cette histoire pour nous parler de la famille, mon nom, ma bataille? Nous vous recevons aujourd'hui. Bonjour Joseph Morcel. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire médiévale à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous êtes l'auteur de Noblesse, Parenté et Reproduction sociale à la fin du Moyen-Âge. C'est aux éditions Picard en 2017. Édition Picard, mais non, la parenté que vous étudiez, elle n'est pas vraiment en Picardie. Elle se trouve en Allemagne, mais j'aime beaucoup votre démarche parce que vous étudiez un petit bout d'Allemagne, mais de ce petit bout d'Allemagne, j'ai envie de dire qu'on comprend l'Europe et cette période de la fin du Moyen-Âge. Tout à fait. La question qui se pose avec l'étude sur une région particulière comme la Franconie, donc un petit morceau de l'Allemagne qui n'est elle-même qu'un morceau de l'Europe, c'est tout simplement le principe de l'étude de cas, à partir donc duquel on est susceptible de pouvoir monter en généralité dans certaines conditions. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, évidemment, dans cet ouvrage. Ah bah vous avez réussi, Joseph Morcel. La Franconie, juste pour préciser, nous sommes à pas loin de la Bavière. Voilà, c'est le nord du Land de Bavière, donc grosso modo entre Francfort, qui n'est pas en Franconie, et Nuremberg, qui est en Franconie. Et nous accueillons aujourd'hui également la fée Mélusine, enfin plus exactement, Johanna Pavleski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de cours à l'université Rennes 2, notamment l'auteur d'une thèse sur Mélusine. Et dans le titre de la thèse, il y a plusieurs façons de nommer Mélusine. Oui, alors j'ai intitulé ma thèse « Mélusine, Merlusine, Mélusina, fortune politique d'une figure mythique du Moyen-Âge au XXIe siècle ». C'est beau sur le temps long d'étudier une figure mythique que nous connaissons parce que quand le nom est prononcé, Mélusine, ah oui, on connaît, mais il faut quand même rappeler qui était la fée Mélusine. Alors, Mélusine est une fée serpente du Moyen-Âge, ancêtre mythique de la lignée des Lusignans. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. C'était donc, elle est magnifique parce que quand on la voit représentée, nous avons une femme serpent et qui est une fée et qui n'est pas si méchante que ça, la fée Mélusine, au contraire. Ah oui, tout à fait. C'est une gentille fée. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour commencer à parler lignage, nous allons faire un petit détour par Candide. Oui, Candide ou l'optimisme de Voltaire, écrit en 1759. Candide que nous allons entendre par une lecture de la radiodiffusion française, c'était en 1962, lecture de Pierre Bertin. Candide ou l'optimisme. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. Et c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Candide de Voltaire, où nous rencontrons le baron Thunder ten Tronckh et cette évocation d'une famille. Alors avec le baron de Thunder ten Tronckh, nous ne sommes pas exactement dans la région que vous avez étudiée, Joseph Morcel. Là, nous sommes en Westphalie, mais enfin, la logique est là. Vous, ce n'est pas la période que vous avez étudiée non plus, même si Voltaire nous y conduit, parce que il est question de 71 quartiers. Alors, si on remonte le temps, on va arriver au Moyen-Âge que vous connaissez très bien. C'est quoi ces quartiers, Joseph Morcel? C'est une vraie préoccupation des gens, la famille, regarder les lignages. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un lignage? Alors, il y a deux éléments au moins dans votre question. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier et quel rapport y a-t-il entre le quartier et le lignage? Alors, les quartiers, c'est une façon qu'on utilise en Allemagne pour calculer à partir de la fin du Moyen-Âge et essentiellement à l'époque moderne, donc à l'époque dont parle Voltaire, la manière dont on calcule les degrés de noblesse, mais l'intensité de la noblesse dans donc en Allemagne. Et que précisément en France, on ne comprend pas à cette époque-là, parce qu'en France, on compte en générations, tandis qu'en Allemagne, on compte en quartiers, c'est-à-dire en fait en nombre de grands-parents, puis d'arrière-grands-parents. Donc quatre quartiers de noblesse signifie que les quatre grands-parents sont nobles. Si on n'en a que trois, ça veut dire qu'un des quatre grands-parents n'était pas noble. Mais c'est une préoccupation qui n'intervient qu'à l'extrême fin du Moyen-Âge. Et au fur et à mesure que le temps passe, on passe à 16 quartiers. Alors 71, évidemment, ça n'a jamais existé. Mais en revanche, c'est une chose que la noblesse française ne comprenait pas. Cette manière, effectivement, de calculer les choses. Alors, ça fait une vraie différence, et la raison pour laquelle je parlais du rapport entre le quartier et le lignage, c'est que ça fait une vraie différence en ce sens que ce qui caractérise finalement la noblesse en Allemagne, c'est en réalité le mariage. Il faut que les mariages soient des mariages sans mésalliance, donc que tout le monde soit noble. Donc c'est pour ça que le problème du lignage se pose de manière tout à fait différente, puisque nous, quand on pense le lignage, on pense essentiellement une lignée masculine, une transmission donc de père en fils, et que le lignage va continuer tant qu'il y a effectivement des fils qui naissent au père, indépendamment du fait de savoir si finalement le mariage est un mariage égal. Et à la fin du Moyen-Âge, à la fin de l'époque moderne, où de fait très souvent des nobles épousent des roturières, ça ne change absolument rien donc à la continuité du lignage noble, ce qui en Allemagne est absolument impossible. Joseph Morcel, vous me corrigez si je dis une erreur, mais à vous écouter, je me dis que chez nous, le nom compte. C'est la transmission du nom et quelque part, la maman a moins d'importance, alors qu'en Allemagne, on regarde l'ensemble de la famille pour connaître le degré de noblesse. Alors, le nom compte également en Allemagne, puisque de toute façon, les enfants prennent essentiellement le nom de leur père, sauf si dans le cadre d'un mariage, on a un mariage où l'épouse est vraiment d'abord d'une origine supérieure à celle de son mari, ce qui arrive, hein, parce qu'on a un mariage hypergamique, donc ce sont des choses qui arrivent, et si par ailleurs, cette femme, du simple fait qu'elle n'a pas de frère, est héritière, donc peut transmettre à son tour le titre en question. Dans ce cas-là, les enfants vont être, le cas échéant, alors ça doit faire normalement l'objet d'un accord au moment du mariage, mais normalement les enfants, à ce moment-là, vont prendre le nom de leur mère, et pas le nom de leur père. Donc nous sommes vraiment dans deux considérations différentes entre la France et l'Allemagne. C'est important de dire ça parce que c'est vrai que nous partons de nos représentations en fait et de nos propres familles, sans être de grande noblesse du tout. Mais c'est vrai que nous avons une visualisation de notre arbre généalogique de manière très claire en famille. Et nous sentons qu'en Allemagne, ce que vous avez étudié, Joseph Morcel, cette transmission, ces familles sont essentielles. C'est ce que vous étudiez et j'adore votre problématique, on va dire. Vous dites, la noblesse se reproduit sans cesse, mais comment se reproduit-elle? Pourquoi elle arrive à se maintenir si longtemps? Et c'est cette réflexion qui vous conduit à vous intéresser à la parenté et à la reproduction sociale. Est-ce que le mariage suffit pour consolider une famille? Noble, évidemment. Alors, le mariage est un élément absolument essentiel. Je voudrais simplement revenir sur un élément. Je pense que c'est vraiment une divergence qui s'opère entre la France et l'Allemagne, précisément, donc à la fin de l'époque médiévale et ensuite à l'époque moderne, puisque à la fin du Moyen-Âge en France, on a aussi cette possibilité que des enfants reprennent les armes et le nom de leur mère, si tant est que cela a été réglé normalement au moment du mariage. Donc, mais pour en venir à votre question, de fait, le mariage est un élément essentiel dans la reproduction de la cohésion du groupe, et c'est précisément la question qui se pose, dès lors qu'on essaie de comprendre comment se reproduit donc l'aristocratie, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le groupe dominant, se pose évidemment la question de savoir quelles sont les modalités donc de cette reproduction. Et on voit très clairement donc la question de l'hérédité apparaît de façon très très nette. Or, si l'on compare avec la situation actuelle, et si l'on admet que les travaux de Pierre Bourdieu, par exemple, sont utilisables de ce point de vue-là, on se rend bien compte que Pierre Bourdieu montre bien que la logique qui fonctionne dans notre société est une logique d'héritage, mais que cette logique est masquée. Donc, de deux choses l'une, soit la société médiévale qui assume cette logique d'héritage était une société transparente, ce qui, a priori, serait très étrange. En général, toutes les sociétés mettent leur logique de reproduction à l'abri. Ou alors que l'héritage n'est qu'une modalité parmi d'autres et peut-être pas la plus importante. Et l'hypothèse que je fais, c'est que fondamentalement, ce qui assure la reproduction durable de ce groupe dominant, c'est la reproduction de la cohésion de ce groupe. Et ce qui assure la reproduction de cette cohésion peut se rencontrer d'une part dans la parenté, ça va être le rôle fondamental du mariage, dans la constitution de réseaux de réseaux matrimoniaux, et d'autre part, d'autres pratiques qui ne sont, elles, pas spécifiquement parentales, mais qui vont être des pratiques tout simplement de sociabilité, voire même, dans certains cas, la possibilité de constituer des co-seigneuries, donc une association, une alliance horizontale, si vous voulez, sur des droits seigneuriaux. Nous sentons bien ici que l'univers que vous évoquez nous échappe un peu parce qu'il n'est plus aussi présent dans notre quotidien. Pour ce que vous étudiez, Joseph Morcel, il y a une réelle préoccupation. Nous parlions des quartiers, des différents quartiers. C'est vrai que les gens regardaient. Alors, on parle toujours de aristocratie. Ce que vous expliquez dans votre ouvrage, vous préférez ça au mot noblesse, hein, qui est un mot un peu plus vague. Alors, d'une part, le terme l'aristocratie et la noblesse ne sont pas éléments qui sont comparables. Dans l'aristocratie, il peut y avoir également donc la dimension ecclésiastique qui fait partie de cette catégorie dominante, qui n'est pas réductible à la noblesse. Donc dans l'aristocratie, il y a une fraction laïque qui est la noblesse, une fraction aristocratique qui est disons le haut clergé, qui est la fraction dominante de cette aristocratie. Donc si on se focalise uniquement sur la noblesse, on va perdre de vue un élément essentiel qui est la logique de base de la reproduction de ce système. Et c'est d'autant plus important que sur les questions de parenté, l'Église est intervenue en permanence. L'Église intervient en permanence. C'est vrai que c'est une question qui est au cœur de votre ouvrage. J'ai presque envie de dire cette lutte entre deux aristocraties, une aristocratie laïque et puis une aristocratie ecclésiastique. Et l'aristocratie ecclésiastique porte un regard, en fait. Elle codifie la manière de transmission. Elle porte un regard pour s'assurer le contrôle, en fait, de l'aristocratie des dominants. Tout à fait, c'est elle qui détermine précisément donc les règles, non pas d'ailleurs de la transmission directe, mais comme elle contrôle fondamentalement les règles de conclusion des mariages, de ce fait automatiquement, elle joue un rôle absolument essentiel dans ce phénomène de la reproduction, d'autant plus qu'elle prône une exogamie absolument massive dont on a peine à imaginer aujourd'hui ce que cela peut représenter, puisque pour nous aujourd'hui, le droit interdit des mariages en deçà du quatrième degré romain. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez a priori la possibilité d'épouser votre cousine germaine. Ça, c'est légal. C'était absolument impossible dans la société médiévale où, converti en degré romain, ce qui était interdit, c'était 14 degrés romains. C'est-à-dire une exogamie démente qui n'était a priori absolument pas respectable en tant que telle. Il aurait fallu à la fois des ordinateurs, des registres de parenté qu'on n'avait pas. Donc le but de l'opération, c'est simplement pour l'Église de dire c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui disons quel est le mariage légitime. Et à partir de ce moment-là, les héritiers ne pouvant être que des héritiers légitimes, on pouvait avoir des bâtards bien sûr, mais théoriquement ils ne pouvaient pas hériter. Donc les héritiers légitimes étant ceux qui sont nés dans le mariage, l'Église évidemment joue un rôle déterminant dans ce contrôle de la reproduction du groupe. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux parentés, aux reproductions sociales et notamment de la noblesse au Moyen-Âge. Comment se constitue ce groupe dominant, celui des aristocrates, avec, au-delà des relations du sang, des valeurs communes et la nécessité de servir le royaume. Quittons le Moyen-Âge, mais en réalité, restons au Moyen-Âge. Extrait de Game of Thrones. Vous voulez que je serve la femme qui a assassiné mon roi, qui a massacré mes hommes, qui a estropié mon fils ? Je veux que vous serviez le royaume. Dites à la reine que vous avouerez votre infâme trahison. Dites à votre fils de déposer les armes et proclamez Geoffrey héritier légitime. Vous croyez que ma vie m'est précieuse à ce point? Que j'échangerai mon honneur contre quelques années supplémentaires de... De quoi? J'ai appris à mourir il y a bien longtemps. Et la vie de votre fille, messire, vous est-elle précieuse? Extrait de la série Game of Thrones, saison 1, épisode 9, Joseph Morcel. Nous avons ici, dans la culture populaire, une œuvre qui fait écho à une vision sans doute fantasmée ou peut-être en écho à une certaine forme de réalité de ce que pouvaient être les familles du Moyen-Âge. On parle beaucoup de maisons dans cette série-là. Quelle lecture vous portez sur cette vision que l'on peut avoir d'un côté clanique de la famille? Nous parlons toujours de l'aristocratie au Moyen-Âge. Bon. Est-ce que alors, c'est un clan, ces familles? Alors, non, pas du tout. Là, il existe bien évidemment des clans en Écosse, mais ça n'est pas du tout la structure, l'organisation de base de l'ensemble de la société médiévale. Le lien de sang est essentiel. Alors, j'aurais tendance à dire non. Tout simplement, la question du sang n'est jamais posée en tant que telle. Ça ne devient en fait un élément de référence pour la famille qu'à l'extrême fin du Moyen-Âge. Et là encore, dans le cadre d'une transformation qui n'est pas spécifique à la parenté, mais qui est une transformation du système de représentation autour du sang. Dans la société médiévale, pour l'essentiel, le sang est un élément, ça n'est pas du tout, ils savent bien évidemment que dans nos veines circule du sang, mais ils ne le voient pas du tout comme un vecteur d'abord de gènes évidemment, ou de parenté ou de quoi que ce soit. Pour eux, fondamentalement, leur système de représentation, il est d'abord lié à la place du sang dans le culte eucharistique et le fait que ce soit a priori la partie la plus spirituelle des deux espèces, puisque précisément c'est celle que les clercs se réservent, la communion uniquement sous l'espèce du vin, et donc évidemment c'est la partie la plus spirituelle du corps. Mais ça n'est effectivement que progressivement que les liens vont se constituer entre eux, la transmission de la parenté et le sang, et ça n'est pas du tout un élément caractéristique de la société médiévale, c'est caractéristique de la société moderne, et d'une façon générale, il faut bien voir que l'essentiel de ce que nous imaginons être la parenté médiévale consiste purement et simplement en une projection sur le Moyen-Âge de phénomènes qui sont tardifs, qui sont en fait essentiellement ceux de l'époque moderne, qui en France sont devenus totalement obsolètes à la Révolution française, sont devenus des espèces de référents vides, et qu'ensuite, on a projeté systématiquement de façon générique sur l'Ancien Régime. Et comme en plus de cela, les anthropologues, au moment où ils sont allés étudier des sociétés non européennes, avaient besoin d'un vocabulaire pour désigner, pour décrire ce qu'ils voyaient, ils ont tout simplement mobilisé tout ce langage vide, désormais pour les Européens, ils l'ont projeté sur ces sociétés. Et dans le cadre de l'anthropologie historique à partir des années 70, on a très largement récupéré tous ces concepts anthropologiques en oubliant qu'il s'agissait tout simplement de termes de l'époque moderne que finalement on projetait sur l'époque médiévale. C'est en cela que cette période est difficile à étudier parce que nous avons affaire à énormément de représentations. Il faut dégager tout doucement les représentations, mais Joseph Morcel, c'est votre boulot d'historien et vous le faites bien. Et puis il y a la question également des sources. Comment a-t-on accès à toutes ces informations ou comment dénicher ces informations? Écoutons Philippe Ariès. Oui, Philippe Ariès qui parlait en 1971 dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture. Si nous éliminons le droit, c'est très difficile. À ce moment-là, nous sommes obligés de psychanalyser, si on peut dire, toute une collection de documents qui peuvent être des documents, des images, des documents iconographiques, des documents littéraires. Bref, tout un ensemble de documents dont aucun n'est suffisant en lui-même et qu'il faut prendre comme des voies d'accès périphériques du phénomène que nous voulons circonscrire, dont nous voulons faire le siège. Autrement dit, on ne peut pas y aller tout droit. Oui. Il nous échappe. Il nous échappe parce que les contemporains n'ont pas voulu en parler et n'en ont pas parlé. Il faut donc les saisir dans ce qu'ils disent quasiment malgré eux. dans ce qu'ils disent quasiment malgré eux. Joseph Morcel, en écoutant la Philippe Ariès, vous faisiez oui de la tête. Parce que il y a ça aussi dans l'enquête de l'historien, du médiéviste que vous êtes, pour essayer de comprendre comment peuvent se construire les parentés et la reproduction sociale au Moyen-Âge. Et il faut enquêter, il faut lire un peu aussi entre les lignes. Qu'est-ce qu'il reste comme trace essentielle? J'imagine que l'arbre généalogique qui doit rester ne suffit pas, il faut aller plus loin. Il n'y en a pas d'arbre généalogique. C'est en fait une construction là encore très tardive. On en a quelques-unes qui apparaissent, qu'il y a quelques-uns pardon qui apparaissent à partir disons du 12e siècle pour quelques très très hautes dynasties qui ressemblent d'ailleurs pas vraiment à des arbres généalogiques. Donc c'est un phénomène là encore plutôt du point de vue formel hein, c'est un phénomène plutôt de l'époque de l'extrême fin là encore l'extrême fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Donc la question de l'arbre généalogique ne se pose pas en tant que tel. Donc de fait, il faut travailler à partir de documents écrits qui, bien évidemment, ne cherche pas à nous parler du lignage, puisque ce n'est pas une préoccupation à eux. Alors, il faudra ajouter à ce que disait Philippe Ariès, mais qui date, évidemment, la chose est très datée. Il faudra ajouter à cela une préoccupation que l'on a désormais, qui est de considérer que, non seulement les documents disent des choses ou ne disent pas des choses, mais en plus de cela, ils sont conservés dans des conditions. Donc le phénomène de l'archivage a joué un rôle absolument déterminant. Et dans le cadre de la formation précisément de cette fiction juridique qu'est le lignage à partir de la fin du Moyen-Âge, s'est produit un élément de réorganisation des archives, réorganisation dans un sens lignager. Donc tout le matériau, qui est un matériau très ancien, s'est retrouvé réorganisé de manière lignagère, ce qui fait que les historiens, quand ils allaient travailler sur des archives, disons aujourd'hui on dirait des archives familiales, si vous voulez lignagères, en fait avaient l'impression que le lignage datait de la plus ancienne attestation des documents qui sont à l'intérieur, alors que c'est un phénomène de reconstruction. Donc l'archivage lui-même, la manière dont les archives ont été réorganisées, a profondément joué sur la difficulté qu'ont les historiens à imaginer que le lignage n'existait pas dans la société médiévale, en tout cas le lignage tel qu'il le pense pour l'époque moderne. Joseph Morcel, je vous comprends bien, à l'époque moderne, on veut du lignage, donc on construit des archives, on va chercher les documents, et puis on met ça tout bout à bout en disant « regardez notre beau lignage », alors qu'en réalité au Moyen-Âge, cette notion de lignage n'existait pas, n'était pas une préoccupation, disiez-vous. Mais alors j'ai envie de vous poser une question, parce que malgré tout, il y a une reproduction sociale, elle se fait de manière consciente où elle se fait simplement parce que la société est construite d'une telle manière que, en étant aristocrate, on ne peut pas y échapper. Oui, tout à fait. On n'est pas dans une logique de complot. Même, ils ne se disent même pas « Tiens, je vais construire mon lignage, donc je rassemble des archives. » C'est une organisation qui se fait au fur et à mesure. Qui plus est, il faut tenir compte également d'un autre élément, c'est que les princes avaient tout intérêt, eux aussi, à ce que se constituent d'une certaine manière des lignages, puisque c'était un moyen, d'une certaine façon, de fracturer cette aristocratie, de faire en sorte que chacun ait des intérêts propres à défendre, alors qu'antérieurement, on avait affaire à chaque génération, pratiquement, à une recomposition des patrimoines en vertu du fait que tous les enfants héritaient, que les filles étaient dotées, qu'elles amenaient donc à leur mari, ou en l'occurrence plutôt à leurs enfants, donc des biens. Donc vous aviez une recomposition permanente, une circulation, si l'on veut, des éléments. Alors on essayait de maintenir évidemment le château éponyme de le donner à un fils, mais à part cela, fondamentalement, on avait un système très très mobile, et pas de complot, pas de stratégie aussi bien argumentée que celle qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Pas de complot, mais malgré tout l'impossibilité de faire autrement. C'est-à-dire que voilà, il y a une société qui est en place, il y a des codes qui se transmettent de quelle manière, en fait. Vous citiez Bourdieu, et c'est vrai que les travaux de Bourdieu sont essentiels. On a envie de dire qu'il y a un capital culturel, un capital symbolique sans cesse transmis, des habitus, et cet ensemble-là qui fait que se met en place des pratiques qui échappent au conscient de ceux qui appliquent ces pratiques. Tout à fait, ce sont des pratiques alors non conscientes. Hein, Bourdieu insistait bien sur la distinction entre inconscient et non conscient. Ce sont des pratiques non conscientes, donc ils mettent en œuvre à travers leurs actions des logiques qui leur échappe, dont ils ne voient absolument pas, ils ne raisonnent même pas en termes de société, de reproduction du groupe, c'est même pas leur façon de voir. Ils sont là, leur logique à eux, c'est dans la mesure du possible de parvenir à dominer leurs dépendants ou éventuellement à se faire bien voir, je sais pas, du prince. Ou ils ont des logiques qui sont très très des stratégies à relativement court terme et ils ne saisissent absolument pas le fait que cela va aboutir, mais ils n'ont aucune idée que cela va aboutir pendant plusieurs siècles à la reproduction d'un groupe dominant. Ça n'est pas du tout leur logique. Mais malgré tout, le groupe dominant est là et il est présent sur plusieurs siècles avec une question qui se pose, la question de la transmission. Alors la transmission de manière beaucoup plus directe. Nous allons écouter un conte populaire, un petit bout d'un conte populaire en vers. Il est attribué à Robert d'Aubigny, certains disent Robert d'Orléans, du XIIe siècle. Donc on est vraiment à un autre Moyen-Âge que celui que vous étudiez. Nous sommes un petit peu avant. C'est Flore et Blanche Flore, fiction de l'ORTF en 1961. Ordon, mon fils, vous avez eu 7 ans hier. Oui, mon père. 7 ans, l'âge de connaître le monde et de l'apprendre. Vous êtes-vous demandé ce que vous en saviez? Non pas, mon père. Dès aujourd'hui, Sir Guédon vous dira comment cette merveille est possible. Il vous apprendra comment tenir votre style pour faire vos lettres sur les tablettes de cire. Il vous parlera latin. Vous en aurez grande joie. Vous écouterez sa leçon chaque jour, plusieurs heures. Désormais, vous lui obéirez en tout et pour tout. Oui, mon père. Allez donc, mon fils. Commencez votre vie d'homme. Allez donc, mon fils, commencez votre vie d'homme. Nous sommes au XIIe siècle dans un conte populaire, Flore et Blanche Flore. Joseph Morcel, est-ce que cette transmission telle qu'elle est, alors indiquée ici dans un conte, mais on sait toujours que les contes sont en marge parfois, ou que ce qui est écrit, ce qui est construit intellectuellement ne reflète pas la réalité, est un cas particulier. Est-ce qu'il y a malgré tout cette transmission à la fin du Moyen-Âge, toujours dans cette volonté de comprendre comment arrive à s'imposer un groupe dominant aussi longtemps, une transmission claire et nette? Bien sûr, c'est de toute façon de cette manière-là que se fait précisément l'internalisation de toutes les valeurs, donc la fabrication de l'habitus dont parle Bourdieu. Il y a à la fois donc ce qui est enseigné dans le cadre, alors ici c'est un précepteur, ça peut être le cas, mais il va y avoir ce qui est dit, donc des parents aux enfants, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, et puis il va y avoir tout simplement l'observation, la déférence avec laquelle certaines personnes vont s'adresser à ses parents et à lui-même, et que les enfants vont internaliser comme étant des choses qui vont de soi. Oui, c'est ce qu'on appelle l'habitude. C'est vrai qu'on utilise le mot comme ça, mais l'habitude, c'est parce qu'on a toujours vu ses parents faire ainsi, son entourage faire ainsi, que on fait pareil. Le vocabulaire, par exemple, on emploie celui qu'on entend autour de soi, la manière de s'installer à table et de manger. C'est ça, en fait. C'est une reproduction de ce qu'on a vu depuis sa petite enfance. Tout à fait. Donc, c'est effectivement des éléments qui ensuite construisent la personne, qui sont tellement évidentes qu'on n'arrive même pas à se poser des questions, à les remettre en cause. Et on agit en fonction de ces déterminations. Donc, voilà, il est évident que le cadre, disons, domestique, je ne parlerai pas de famille pour cette période-là, mais le cadre domestique joue un rôle déterminant dans l'apprentissage par les enfants de ce qui sera leur fonction de dominant ultérieurement. Joseph Morcel, nous voyons bien les parents qui veulent transmettre ce que l'on va trouver dans les actes, des biens, des terres, des fortunes, mais il n'y a pas que ça qui doit être transmis, et dans la volonté de faire perdurer un lignage qu'il continue le plus longtemps possible, même si ce n'est pas quelque chose qui va être dit. Que veut-on que les enfants poursuivent? Que veut-on transmettre aux enfants? Le pouvoir. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui est transmis, même si les documents nous parlent, les documents qui vont parler, donc les contrats de mariage ou éventuellement plus tard les testaments vont éventuellement parler de tel ou tel objet, ces gens-là ne sont pas des propriétaires terriens. Donc ces choses dont on parle, ces terres ou autres, n'ont pas de signification en tant qu'objet. Elles sont des supports de pouvoir et elles n'ont de valeur que dans la mesure où précisément les aristocrates vont les dominer. Donc c'est ce qu'on va transmettre, c'est avec ces biens, c'est nécessairement le pouvoir sur les gens. on ne transmet jamais simplement de la terre. La terre n'a aucun intérêt en soi. Donc le système, cette société-là fonctionne sur l'association ou l'impossibilité de dissocier les hommes et la terre. Et donc dominer une terre, c'est nécessairement dominer les hommes. Donc ce qu'on transmet, c'est du pouvoir. C'est l'apprentissage du pouvoir, c'est l'apprentissage de la domination sur les dominés. Joseph Morcel, vous avez étudié, alors j'allais dire un petit bout d'Allemagne sur deux siècles, 14e, 15e siècle, avec évidemment, mais quand on lit votre ouvrage « Noblesse, parenté, reproduction sociale à la fin du Moyen-Âge », on sent qu'on peut étendre la réflexion à l'ensemble de l'Europe, et vraiment cela nous conduit sur des réflexions postérieures. Est-ce que cette volonté de conserver le pouvoir d'un groupe dominant explique ce qui se passe ensuite au temps moderne, avec une variation, puis on va dire que ça continue encore, parce que la notion de grande famille est quelque chose qui est dans l'esprit des gens. Alors oui, c'est-à-dire que la période médiévale a joué un rôle déterminant à plusieurs niveaux. Le premier élément a été la réduction en fait de la consanguinité, donc les rapports qui existent entre toutes les personnes qui ont a priori un lien de parenté par ce qu'on dirait nous aujourd'hui par le sang. Donc cette consanguinité a été réduite là au haut Moyen-Âge. C'est l'Église qui a joué un rôle déterminant essentiellement à la filiation. Ensuite, cette filiation, à partir de la fin du Moyen-Âge, a été le support d'une construction, d'une fiction juridique qui est alors plus ou moins élaborée. Dans certains cas, c'est simplement le lignage. Dans d'autres, on va carrément aller à la mise en place de majorats, de fidéicommis, donc des logiques, des pratiques juridiques qui permettent de transmettre de façon réservée certains biens ou l'essentiel des biens à un seul des enfants ou à quelques-uns simplement des enfants. Donc deuxième étape, c'est effectivement cette filiation qui sert de support à cette transmission privilégié. Ça, c'est l'époque moderne. Et puis ensuite, l'élément important, ça a été, mais cette fois-ci, après, d'une certaine manière, l'époque moderne, c'est la biologisation du système qui fait qu'aujourd'hui, pour tout le monde, parenté égale filiation pensée en termes biologiques. Et c'est une obsession occidentale de penser la parenté exclusivement en termes de filiation et cette filiation exclusivement en termes biologiques. Et c'est ce qui explique, entre autres, évidemment, une partie la position de tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à ce que l'on prenne en considération d'autres modalités d'apparentement que simplement la filiation. Mais c'est simplement une obsession qui est liée, qui est historique. Et qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte, et c'est en ça que le regard de l'historien, de l'historienne est essentiel pour comprendre des problématiques. Bien sûr, nous partons pas très loin de la Bavière, nous sommes au 14e, au 15e siècle, et grâce à vous, Joseph Morcel, nous tirons le fil et nous arrivons à des éléments d'explication, des débats d'actualité. On s'en serait pas douté à la base, et pourtant nous sentons que cette obsession est essentielle. Joseph Morcel, vous parlez de fiction juridique. Parlons de la famille, de la lignée, de la parenté, du sang. Dans les généalogies, il y a aussi de la fiction. Il y a Mélusine, la fée dont nous allons parler. Il y a également la Dame Lombarde, qui nous conduit également au Moyen-Âge. C'est une chanson du Moyen-Âge, mais qui est reprise pour nous aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, par Malicorne. Allons au bois, Dame Lombarde, allons au bois. Allons au bois, Dame Lombarde, allons au bois. Nous trouverons le serpent vert de nous le tuerons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Quand ton mari viendra de chasse, grand soif fera. Quand ton mari viendra de chasse, grand soif fera. Dame Lombarde de Malicorne, un chant qui nous vient du Moyen-Âge dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. Dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à ce que signifie la famille, d'où vient la parenté, qu'est-ce que le lignage, et parfois, étonnement, mais c'est pour ça que nous aimons l'histoire, parfois, quand on remonte l'arbre généalogique, qui trouve-t-on? Une fée, la fée Mélusine. Johanna Pavlevski, pourquoi vous avez étudié la fée Mélusine? C'est un personnage qui évoque quelque chose chez les gens. Tout de suite, nous sommes dans le conte, alors peut-être dans l'enfance. Vous l'étudiez en tant qu'historienne, évidemment. Vous la connaissez bien avant, la fée Mélusine. Elle est un peu oubliée quand même. Oui, alors j'ai découvert la fée Mélusine à la fin de ma licence en lisant un livre de Claude Lecouteux. donc sur Mélusine et le chevalier aussi. Et ce qui m'a intéressée dans ce sujet, c'est justement qu'il était à la croisée de la littérature et de l'histoire. Donc parce que j'ai fait une thèse en littérature, mais j'avais très envie de garder cette interdisciplinarité. Eh bien, il faut présenter la fée Mélusine. La fée Mélusine, à travers un ouvrage de Jean d'Arras, un ouvrage de 1393, Mélusine ou la noble histoire des Lusignans, qui nous est lu ce matin en direct par Élodie Hubert. Tous les samedis, tu seras serpente du nombril jusqu'au bas du corps. Cependant, si tu trouves un homme qui veuille t'épouser et promette de ne jamais te voir le samedi, de ne pas chercher non plus à découvrir qui tu es, ni de parler de cela à personne, alors tu vivras le cours naturel de la vie comme une femme douée de nature humaine, et tu mourras naturellement. Quoi qu'il en soit, tu seras la source d'un lignage aussi noble que puissant. Il accomplira des exploits grandioses et considérables, mais sache-le bien, si ton union avec ton mari est rompue, tu retourneras éternellement à ton tourment originel, qui ne cessera que lorsque le juge souverain siégera. Mélusine ou la noble histoire des Lusignans de Jean d'Arras au XIVe siècle. Mais dites-nous, Johanna Pavlevski, qu'a fait cette pauvre Mélusine pour être condamnée à être changée en serpente du nombril jusqu'au bas du corps tous les samedis? Ah oui, c'est une malédiction terrible. En fait, Mélusine est la fille du roi Elinas d'Albanie, donc d'Écosse en fait, au Moyen-Âge, et de la fée Précine. Et cette union obéissait à un interdit, c'est un motif qu'on va retrouver aussi pour Mélusine et son époux. Elinas ne devait jamais chercher à voir sa femme en couche. Et très pressé de voir ses petites filles nouvellement nées et poussé aussi par son fils Matakas, issu d'un précédent mariage, qui ne voit pas cette nouvelle union d'un bon œil, il se précipite dans la chambre et donc il a rompu l'interdit. Et là, la fée Précine s'en va avec ses filles en Avalon, donc avec Mélusine, Mélior et Palestine. Et elle les élève dans l'idée qu'elles auraient pu vivre dans un beau royaume avec leur père, mais parce qu'il les a trahis, elles ont perdu ce privilège. Et donc Mélusine décide que ce serait une bonne idée de venger leur mère, et elle enferme son père dans la montagne de Brumboremlion avec ses deux sœurs, donc ce qui est un parricide en fait symbolique. Et en fait, Précine n'avait jamais voulu cela. Elle aimait toujours son époux et donc elle maudit sa fille. Alors, en fait, cette malédiction terrible est une sorte de rationalisation a posteriori de sa queue de serpent. Parce que cette malédiction paraît vraiment disproportionnée, en fait, par rapport à ce qui a été fait. Enfin... C'est que le samedi. C'est pas tous les jours de la semaine, c'est que le samedi. Donc, alors, Johanna Pavlevski, cette pauvre Mélusine qui a tué son père, disons-le, en tout cas symboliquement, est condamnée à être tous les samedis transformée, en fait, et le bas de son corps et devient serpent. Elle est serpente, mais ça ne l'empêche pas de vivre et elle trouve l'amour. Oui, tout à fait. C'est une histoire d'amour, hein, l'histoire de Mélusine. Donc, elle épouse Raymondin, qu'elle rencontre dans une forêt, après une chasse merveilleuse, une chasse au sanglier. Et en voulant tuer ce sanglier, par inadvertance, Raymondin a aussi tué son oncle, qu'il a élevé, le comte du Poitou. Et donc, il erre dans la forêt, et là, il rencontre Mélusine, qui connaît tout de lui. Elle a le savoir des fées, et qui va l'aider à camoufler son crime et même à obtenir un territoire du nouveau comte du Poitou. Et leur union, donc, il va obtenir toutes sortes de choses, dont un puissant lignage. Elle lui fait cette promesse. 10 enfants, à condition qu'il respecte l'interdit qu'il ne jamais chercher à la voir le samedi. Et Raymondin promet. Leur union est très heureuse, donc ils ont 10 enfants, et Mélusine couvre le Poitou d'églises, de forteresses, et évidemment de la forteresse de Lusignan qui sera le berceau de la lignée qu'ils fondent ensemble. Mais sauf que le mari est un peu curieux. Voilà, il est un petit peu curieux. Et puis, un samedi, poussé par le comte de Forêt, son frère, il finit par épier sa femme, qui s'est retirée dans une chambre, et il la contemple au bain. Donc, il découvre qu'elle a une queue de serpent. À ce moment-là, il ne dit rien. En fait, il est davantage horrifié d'avoir rompu sa promesse que par l'apparence de sa femme. Et donc, Mélusine fait comme si elle ignorait qu'il avait transgressé son serment. Mais les faits servent tout. Voilà, et en fait, Raymondin un jour est emporté par la colère parce que un de leurs fils, Geoffroy Grandin, a incendié l'abbaye de Maillezais. Ça se fait pas. Voilà, avec 100 moines, dont Fromont, qui était aussi un des fils de Mélusine et Raymondin, donc il a tué son propre frère. Et là, emporté par la colère, Raymondin accuse publiquement Mélusine d'être une mauvaise serpente, une fausse serpente. Et donc Mélusine s'évanouit de chagrin, prédit le déclin progressif de sa lignée et s'envole sous la forme d'une serpente. Voilà. Merci beaucoup Johanna Pawlewski de nous avoir raconté cette histoire de Mélusine, ce conte qui nous vient, vu que c'est un conte, je me permets, de la nuit des temps. Mais maintenant arrive l'historienne. Et là, nous changeons de registre, c'est-à-dire que sur cette narration, il y a quelque chose à analyser. Vous, Johanna Pawlewski, vous étudiez cette figure de Mélusine. Et bien sûr, vous nous l'avez déjà dit, mais alors là, faut nous expliquer, des familles se réclament de Mélusine. Ils descendent, ces gens-là descendent de Mélusine. Comment ça se construit, en fait ? La famille Lusignan, pourquoi a-t-elle besoin de Mélusine comme ancêtre ? Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que les romans d'après lesquels on connaît l'histoire de Mélusine aujourd'hui, date de la toute fin du Moyen-Âge, le premier de 1393, le deuxième achevé en 1401. Et à ce moment-là, ça fait déjà près d'un siècle que la branche maîtresse des Lusignan est éteinte. Donc en fait, on n'a pas de témoignage écrit ou pictural qui nous permettrait d'affirmer avec certitude que les Lusignan se sont réclamés de Mélusine. Après, dans les romans, évidemment, elle est présentée comme l'ancêtre mythique des Lusignan. Mais donc, la branche maîtresse des Lusignan s'est éteinte avec Hugues XIII en 1303. La forteresse de Lusignan est passée à son frère, et puis qui est mort à son tour en 1308. Et leur sœur Yolande va vendre la forteresse éponyme à Philippe le Bel. Donc ils ont perdu tous ces territoires, et donc leur héritage lignagé, à la fois matériel, la forteresse de Lusignan et d'autres territoires, et immatériel, la légende, est disponible, et d'autres lignages vont pouvoir s'en emparer. En fait. Mais alors pourquoi, à ce moment-là, se revendiquer de Mélusine est intéressante au moment du déclin de la famille Lusignan, des Lusignan, qu'il dit ça ne va plus très bien, vous nous l'avez dit pour eux, et c'est à ce moment-là qu'ils se réclament de Mélusine, en fait, pour expliquer le déclin. Alors on voit tout de suite, quand on résume l'histoire, que Mélusine est vraiment très ambiguë et représente à la fois l'essor extraordinaire de la lignée des Lusignan, qui vont effectivement conquérir de nombreux territoires en Orient, par exemple. Donc ils vont être rois de Chypre, de petite Arménie, même brièvement et avec peu de succès, rois de Jérusalem. Et puis ils vont connaître un déclin très rapide finalement aussi. Donc Mélusine va incarner cette double facette, l'essor et le déclin. Mais en fait, donc voilà, leur héritage est disponible parce que justement la branche maîtresse a disparu. Et les enjeux pour les commanditaires des romans, parce que ce sont deux œuvres de commande en fait. La première a été commandée par Jean de Berry à Jean d'Arras, achevée en 1393. Et pour lui, il s'agit d'asseoir ses prétentions sur la forteresse de Lusignan, qu'il a réussi enfin à obtenir en 1374 après un très long siège. C'était vraiment difficile pour lui. Le Poitou était très anglicisé dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Et en 1392, il y a la conférence d'Amiens et le roi de France essaye d'établir une paix durable avec l'Angleterre et il est question que la forteresse de Lusignan et d'autres terres du Poitou soient rendues aux Anglais. Alors là, il se dit, non, c'est pas possible. Il faut vraiment que je montre que c'est moi le légitime possesseur de Lusignan. Et donc, il se présente dans les romans comme celui que Mélusine désigne comme légitime pour être maître de la forteresse. Elle revient dans le roman, elle revient à la fin du roman, se présenter à Cresswell, qui est le gouverneur anglais de la forteresse, pour annoncer l'arrivée du duc de Berry. Et en 1401, l'enjeu là est vraiment mémoriel pour la famille, l'archevêque Parthenay, qui est sur le point de s'éteindre. Et donc Guillaume VII, l'archevêque, veut célébrer la mémoire mythique de sa maison qui est affiliée aux Lusignan. Donc il y a un enjeu en fait, des enjeux symboliques autour de la revendication de Mélusine. Il faut jouer avec cette figure mythique. Mais Ioana Pavlevski, votre thèse s'étend jusqu'au XXIe siècle. Et là, nous touchons encore donc, à des choses très contemporaines. Pourquoi Mélusine au XXIe siècle? En fait, vous expliquez qu'il faut jeter un œil sur le Luxembourg. Le Luxembourg se revendique aussi de Mélusine. Comment peut se créer cette filiation? Alors, bon, de la lignée à la nation, il y a peut-être un lien assez naturel. Mélusine a été revendiquée comme ancêtre mythique par les Luxembourg dès la fin du Moyen-Âge. Ce sont les premiers à arborer Mélusine dans leurs armoiries en cimier, donc cet élément qu'on trouve au-dessus de l'écu dans les armoiries. Mais alors pourquoi est-elle aujourd'hui un symbole national? Parce qu'elle n'est pas un emblème national officiel, mais elle est bien un symbole national qui renvoie à la nation et au territoire du Luxembourg. Eh bien, c'est une construction complexe dont on ne connaît pas les détails parce qu'elle s'est sans doute faite par oral aussi, hein, et donc on n'a pas les traces de ce patrimoine immatériel. Mais au XIXe siècle, quand le jeune État-nation du Luxembourg se constitue, des auteurs vont à la fois rassembler, collecter et puis construire aussi évidemment un folklore luxembourgeois, et ils font état d'une légende vraiment propre au Luxembourg où Mélusine est devenue l'épouse du comte Siegfried, le fondateur de la ville de Luxembourg, donc la date sur laquelle on s'accorde, mais qui c'est 963. Et Mélusine, donc, est une femme poisson, là. Ils n'ont pas voulu le serpent. Il n'y a plus de lien avec les Lusignan. Voilà. Mais en fait, pourquoi c'est peut-être pas qu'ils n'ont pas voulu le serpent. En fait, c'est parce que Mélusine s'est fondue par coalescence avec une autre figure mythique qui était sans doute la nymphe de l'Alzette. Donc, cette rivière qui traverse tout le Luxembourg, qui est très importante pour les Luxembourgeois. Elle apparaît même dans l'hymne national. Et Mélusine est une incarnation élémentaire, devient une incarnation élémentaire de l'Alzette, qui épouse le comte Siegfried et donc qui lui confère ainsi une certaine légitimité. En fait, il épouse une sorte d'incarnation du territoire. Donc une figure mythique, Mélusine, figure mythique utilisée en Europe et au Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'au XXIe siècle. Invention d'une figure, c'est le titre de votre thèse, Ioana Pavlevski. Mais c'est passionnant de se dire que quelque chose qui nous échappe littéralement, en disant comment on peut se revendiquer d'une fée, a des conséquences réelles pour les contemporains jusqu'à aujourd'hui. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver une autre fée. Non, ce n'est pas Mélusine, c'est la fée Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, cinéma dans le journal de l'histoire, une plongée au cœur du siège de Sarajevo avec un film qui sort en salle aujourd'hui. Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay est l'adaptation au cinéma du roman de Paul Marchand qui retrace une partie de son expérience en tant que correspondant des radios francophones publiques, toutes les radios francophones publiques, pendant le siège de Sarajevo. Paul Marchand, notre héros, a toute la panoplie du reporter dur à cuire avec son bonnet emblématique perpétuellement enfoncé sur la tête et son cigare à la bouche, y compris au volant de sa voiture lancée à toute vitesse pour narguer les snipers. Mais voilà, la violence et l'absurdité vécue par cette population enfermée dans une ville cernée par les tirs serbes ennemis, sous la surveillance des casques bleus, ouvre une brèche dans l'assurance bien huilée de Paul Marchand, qui a pourtant déjà couvert la guerre du Liban et la guerre du Golfe. Sarajevo n'aime plus ses enfants, elle les sacrifie. Sarajevo n'aime plus ses... Ah putain ! Sarajevo n'aime plus ses enfants, elle les sacrifie par dizaines sur l'autel du calcul politique. Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes armées de grenades, de kalachnikov et de vieux fusils de chasse ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Une offensive perdue d'avance, encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale. Le siège de Sarajevo constitue un moment fondateur de la mémoire des journalistes de la fin du XXe siècle par sa durée, 4 ans, c'est le siège le plus long de la période contemporaine, mais aussi par sa nature, violente évidemment, contre une population civile et sous l'œil impassible de la communauté internationale, vous l'avez entendu. Parmi les reporters qui l'ont couvert, ils sont nombreux à avoir témoigné de cette guerre, de son impact, de cette guerre hors norme et à y avoir trouvé la mort. Et quoi, ça te gêne pas toi de te faire du fric sur le dos des morts? Parce que la guerre te fait pas bosser, toi. Nous, les Schtroumpfs, les diplomates, les humanitaires, les fabricants d'armes. Désolé, marchand, mais tu crois que j'aime ça? Pardon? Tu crois que j'aime ça? Attends, t'es pas ici parce que t'aimes ça. Nous sommes en novembre 1992, lorsque s'ouvre Sympathie pour le Diable. Paul Marchand travaille dans la ville assiégée depuis le début. On le suit entre les boîtes de nuit, studios de radio et parties de poker avec ses confrères et les travailleurs humanitaires en attendant le décompte du nombre de morts quotidiens. Le journaliste nous apparaît d'abord excité, consciencieux, presque hystérique, mais grisé par la conscience d'en être, de se retrouver à l'endroit où l'histoire se joue, au point le plus chaud des tensions du monde de l'après-guerre froide. Le réalisateur, Guillaume de Fontenay, dresse le portrait de ces journalistes dépendants de la proximité immédiate du danger de la mort des autres, mais aussi de la sienne. Dans la confusion de ces premières guerres civiles non conventionnelles, où les armées et la presse apprennent dans le chaos une nouvelle forme de guerre, Paul Marchand sort sans surprise de sa neutralité professionnelle après la mort absurde d'un enfant. Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien. Vous le prenez comme ça ou vous le prenez pas, et si ça passe pas, vous allez vous trouver un autre correspondant. Non, c'est non négociable. Ça fait bientôt un an qu'on raconte la merde et l'horreur avec des mots raisonnables. Et ça donne quoi? Non, toi, tu m'écoutes. Alors je sais, c'est peut-être pas très clean. Toi, tu voulais peut-être une version plus soft, mais je te rassure. Tous les mots que j'ai utilisés, toutes les descriptions sont bien en deçà de la réalité. Parce que pour raconter cette saloperie, ben y a pas d'autres mots. Comment garder le lien avec sa mission d'information? Comment raconter au monde qui ne voit pas ce qui advient? Et comment rester audible sans faire sienne la tragédie des autres? Paul Marchand s'est donné la mort en 2009, bien après avoir quitté Sarajevo. Sympathie pour le Diable explore parfois avec une certaine maladresse l'impact de Sarajevo sur une profession, la contamination de ces nouvelles guerres qui tournent le dos au droit international et qui, même lointaines, engagent les sociétés qui les regardent. Le film s'achève avec le départ de son héros, comme les guerres qui disparaissent lorsqu'on oublie qu'elles ont toujours cours. Sympathie pour le Diable. Merci beaucoup Anaïs Ki. On retrouve tous les liens, toutes les informations utiles sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Ioana Pavlevski, vous êtes également commissaire d'une exposition. Exposition Mélusine, secret d'une fée, c'est à l'Historial de la Vendée, c'est jusqu'au 1er mars 2020. Donc, étonnant, une fée à l'origine d'un lignage. Joseph Morcel, quand vous avez étudié tous ces parentés, la reproduction sociale au Moyen-Âge, vous avez trouvé parfois des généalogies, j'allais dire, aussi exotiques, aussi étonnantes? Alors, personnellement, sur les personnes sur lesquelles j'ai travaillé, j'en ai pas trouvé, mais on sait que ça fait partie des choses qu'un certain nombre de grands essayent de fabriquer, ces fameuses généalogies fantastiques. Cela dit, ce qu'on voit très bien dans le cas de Mélusine, c'est le rôle déterminant des femmes, et le fait que précisément la thématique circule évidemment pas en ligne masculine, puisque les Mélusines sont éteints, mais en ligne féminine. Donc on est bien en dehors d'une situation qui serait stricto sensu lignagère. Merci à vous, Joseph Morcel. Merci à vous. Noblesse, parenté, reproduction sociale à la fin du Moyen-Âge. C'est aux éditions Picard. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André, Alice Rouet, des émissions que l'on peut réécouter sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Nous sommes de plus en plus nombreux pour discuter de l'actualité de l'émission, réagir à ce qui a été dit et parler de l'actualité de l'histoire. Demain, Fatal Frangin, oui, Caïn et Abel dans la Bible, mais pas tout seul, nous aurons plein de frères ennemis, de frères de sang et de frères de lait.